Le temps qui passe, les rêves s'entassent et puis s'effondrent comme château de sable. Au fond de la classe, je m'étais déjà lassé, la rue m'a enlacé, c'est trop tard. De la drogue en petit sachet, on n'a jamais touché le chômage, nous, c'est dommage. Voler où t'as fait au marché, ça dépend qui marche avec toi, ça dépend l'entourage. Salut, on l'a fait, on s'est sali. Le soir j'étais sur Paname, je ravitaillais les touristes. Demain peut-être je serai pas là. Pourtant j'ai fait le pari, c'était risqué mais voilà. Risqué c'est le titre de ma vie, si c'est là. Je me nourris d'hier, je veux bien pardonner, mais jamais oublier. Je t'ai vu partir loin en laissant derrière. J'ai vite découpé mon cœur, il est trop niais. Je vieillis comme la cité, rien ne dure de toute façon. Que t'es sans visage ici, et tes yeux pleins de mensonges. Ouais, pour tout, je pique, jaloux, tu loues.